Bonjour, bonsoir, vous êtes sur Radio Cayenne, il est 23h55 et on va continuer la soirée en passant à un autre sujet du coup. Un sujet où on va parler de Technopole, de Silicon Valley, de Google, des géants du web et de tout ce que ça amène du coup. Alors pour ça, moi je vais d'abord vous lire en fait une partie d'un article qui est paru dans la revue Z, je crois de 2009, celle de Toulouse. Je sais pas, non, celle de 2015-2016, celle de Toulouse, que vous pouvez trouver en ligne sur Internet. Et du coup, un article qui s'appelle Dans la Google du Loup. Reportage au cœur de la Silicon Valley. Tadadin. Donc ça commence avec une petite intro. Voyage sur le campus de la plus célèbre entreprise du monde, à l'intérieur des sous-bois du futur, à la rencontre de la supposée utopie, où Google scénarise un monde et son langage. Et on a aussi une très belle citation de Mano. Dans la vallée, j'ai pu entendre les échos, dans la vallée des champs de guerre, près des tombeaux. Voilà. Bref, on passe aux choses sérieuses. Et du coup, voilà. Petit panorama du paysage de la Silicon Valley. Shoreline Park. Une esquisse de marais, de la vase, des herbes pâles, un erratz de Vendée, parcouru par des eaux stagnantes, des poussettes, des vélos multicolores. C'est moche et c'est touchant. Cette petite langue verdâtre entre un éclat d'océan et un désert, entre l'onde amère de la baie de San Francisco et le noyau physique du monde virtuel, le campus du Google, qui commence à une centaine de mètres. Elle serait là, tout autour, The Silicon Valley. Il faut atterrir ici, à Mountain View, au bord de l'eau, avec les canards, les hérons et les chouettes des terriers, sur cet ancien site d'enfouissement d'ordures qui accueille désormais des pélicans et un golfe 18 trous. Il faut s'être égaré au début d'un printemps sous un ciel bêtement bleu, dans la mollesse d'un parc ornithologique de Californie, pour la ressentir, cette question éphémère, illusoire. La Silicon Valley existe-t-elle? Il y a bien un flux, son épaisseur quotidienne sur la 111, l'autoroute qui descend de San Francisco. Puis des bretelles s'en vont vers Menlo Park, Mountain View, Sunnyvale. Les voitures s'éparpillent à faible allure dans les avenues boisées de Palo Alto. Se dispersent dans les allées à angle droit, banlieues feutrées ou cimetières climatisées, des pavillons et des arbres. Il y a parfois un parking, et par accident on aperçoit des verts teintés d'une façade d'immeuble. On finit par deviner les bâtiments dans l'ombre, les bureaux discrets, pareils à des lycées, peut-être des petites cliniques. Rien ne dépasse, rien n'intimide, aucune puissance visible. C'est donc pas une vallée de vertige et de démesure. Non, en surface, le sommet du monde numérique paraît stupidement plat et ordinaire. Après tout, Google est une page blanche. Il y a un pouce sur un panneau gris, au siège de Facebook, à Menlo Park. On peut incruster sa tête sur une photo à bout de bras. On peut aussi tenter de s'approcher et se faire jeter du parking en 5 minutes par des vigiles parano. Il y a une pomme à Cupertino. On peut poireauter dans la laideur, mais pas visiter le siège d'Apple. Sinon, il y a une boutique. À Mountain View, il y a des bicyclettes sur leurs béquilles à l'entrée des herbes hautes de Shoreline Park. Le guidon est bleu, la fourche est rouge, le cadran jaune et les pare-brise ouverts. C'est sans doute cool, inoffensif, des vélos en libre accès. Mais ce n'est pas seulement ça. Ces vélos délimitent autre chose qu'un territoire. Dispersés sur les trottoirs des environs, ils véhiculent une image et sa fiction. Ils sont parmi d'autres le message d'une société, la société Google, sans cadenas, innocente et gratuite. À côté d'une piscine de balles bleues, rouges, jaunes, vertes, s'étend la moquette soyeuse d'un mini-golf de bureau, au milieu du Visitor Center, la vitrine dans laquelle Google vous accueille. Il y a là une citation de Lao Tse-tu. Non, Lao. Lao Tse. Lao Tse. Bref, désolé. Un fauteuil massant, des robots couverts de tags et des bureaux témoins truffés de post-it fluo. Citation: Comment Street View a changé nos vies? Annonce un panneau. Jurant qu'à Pompéi, les visites dans le monde réel ont augmenté de 30% depuis qu'il est possible de se promener parmi les corps pétrifiés sans bouger de son canapé. Sous les photos d'un autre genre de ruines, l'invasif système d'exploration virtuelle est célébré pour avoir aidé à reconstruire le Japon après le tsunami de 2011. En attendant de recevoir les autorisations pour quadriller la Terre avec des drones, Google missionne désormais des équipes à pied pour enregistrer à 360 degrés la nécropole de Gizeh, le Grand Canyon ou les fonds marins. Abolir les distances, suspendre le temps, numériser l'horizon. Grâce à Street View, le passé est en mémoire. Les victimes d'un tremblement de terre pourront arpenter les monuments disparus. Google se propose même de rétablir le réseau juste après la catastrophe. Pour les crises, on a développé un système de ballons à hélium qui dérive au-dessus des zones, d'une zone sinistrée, précise notre guide. Ainsi, les gens peuvent se connecter à Internet malgré tout. Yes! Oh, mais rigolez pas, c'est quand même génial ce qu'ils font pour nous. Oh, c'est mauvaise langue dans le studio, là. T'as dit tout, je me suis perdu. Non. Notre guide s'appelle Léo. Devant la piscine à balles, il nous assure que les réunions de brainstorming qui se tiennent à l'intérieur sont plus efficaces. Face à ce sourire tendre de Léo, son sourire nettoyé de tout mystère, son t-shirt, je cite « This is what our sum look like ». Ça veut dire « C'est à ce quoi ressemble l'incroyable ?» Tout le genre. Je parle pas bien anglais. Il semble impossible d'hésiter. Il faut suivre cet ingénieur belge de 27 ans qui nous parle de switch et utilise à répétition l'adjectif « stylé ». Il existe une dimension du réel dans laquelle Léo, en étant Léo, éveille un genre de fascination, jusqu'à devenir l'idole immédiate d'une douzaine de jeunes Français venus visiter la Silicon Valley. « Je les ai rencontrés à la plage », glisse Léo. Ces visiteurs sont de Strasbourg et n'ont pas encore 21 ans, si bien qu'ils ne peuvent pas acheter d'alcool, leur drame quotidien. Mais aujourd'hui, ils sont heureux. Ils sont à Google. Depuis 6 ans, un classement couronne l'équipe préférée des étudiants du monde entier. Chaque année, Google est le rêve numéro 1. Il faut avoir un contact pour entrer chez Google, affirme Léo. Le principe, c'est que les gens intelligents connaissent des gens intelligents. Ici, un stagiaire gagne 6000 dollars par mois. Donc, un stagiaire gagne 6000 dollars par mois. Oui, tout à fait. Oui, non, j'ai bien dit, hein, c'est ici, un stagiaire gagne 6000 dollars par mois. Mais ce n'est pas l'argent qui distingue le géant du search. Le mystère se situe au-delà du salaire. Au-delà même du travail. C'est justement l'image de son dépassement que Google est parvenu à vendre. Pour saisir, il faut traverser les espaces, se perdre à côté du terrain de beach volley. Il faut trouver un peu d'ombre entre les bureaux et observer le devenir yoga d'un morceau de pelouse. L'aisance des shorts et des joggings. Le rire des amateurs de frisbee, ce climat Disneyland permanent où rien n'est jamais pénible. Où chacun ressemble à une publicité pour yaourt. Il faut admettre cette surenchère perpétuelle de feux besoins, ce vœu d'adolescence prolongée, la présence de toboggan pour glisser entre deux étages et l'existence dans une salle de jeu d'une version baseball du baby-foot. On peut trouver comique cet acharnement à synthétiser l'entreprise idéale, c'est là sans doute que la stratégie de Google. La puissance de son storytelling. Montrer l'exemple d'un présent embaumé, en faire une promesse de l'avenir. Cette mystification est profonde, car bien sûr, comme toute société, elle n'est pas seulement une communauté d'ingénieurs et de cadres surpayés. Il y a des larbins aussi. Chez Google, la différence entre les revenus des chefs et ceux des employés, dans les cuisines par exemple, est proprement inhumaine, détaille Fred Turner, professeur de communication à Stanford. Or, il y a beaucoup de gens dans les cuisines de Google. Aux dernières nouvelles, ils gagnaient 12 dollars de l'heure, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas avoir d'assurance maladie. Les compagnies d'assurance la leur refusent avec un salaire pareil. Or, ils travaillent dans l'entreprise la plus riche d'Amérique. Alors là, je vous fais une petite ellipse, parce que je vais pas tout vous lire, sinon ça va être long, ça va être chiant. Et du coup, en très bref, bah, ils vont parler de, un peu une expérience de, un peu le passé de Google, quoi, l'âge que ça, machin. Ils vont un peu détailler encore le truc de déco, qu'est-ce que ça veut dire sur l'entreprise, tout ça, tout ça. Enfin, le climat, quoi, du truc, mais c'est peut-être pas le plus intéressant. Et on prend juste pour un petit truc, un petit dernier exemple de ce truc d'ambiance, justement de la, du futur de la start-up, de la technopole, de s'épanouir par le travail, avec les salles de gym. Donc les salles de gym qui sont ouvertes jour et nuit. On cite encore notre merveilleux Léo, qui badge à l'entrée et à la sortie, explique Léo. Si tu restes au moins 30 minutes, Google te donne 7 dollars. J'y vais souvent, mais je ne fais pas grand-chose. Je prends mon téléphone, j'en profite pour passer des coups de fil. Bien sûr, il y a des bugs. On allait au ski en groupe cet hiver, et c'était un peu étrange, se souvient Léo. Dans l'hôtel, il n'y avait que des employés de Google. Le soir, dans le hall, tout le monde restait bloqué sur son téléphone ou sa tablette. Personne ne se parlait. Il n'y avait pas un bruit, c'était mort. Il est nu, Léo. Nu et seul dans le nombril du monde. La solitude, depuis des années... Depuis des années, la Silicon Valley désire conjurer cette faiblesse originelle, cette fragilité de l'âge numérique. Bien sûr, ce ne sont pas les utilisateurs, c'est-à-dire les clients, qu'il est question d'éloigner des écrans et des gadgets. D'arracher leurs conditions individuelles, la transformation vise la classe productive de l'industrie technologique. L'élite des informaticiens et des ingénieurs. C'est la figure du geek nerd, réputé fragile, solitaire, blafard, qu'il a fallu corriger telle une ligne de code défaillante. En quelques années, les corps ont donc changé, rénovés dans les salles de musculation, purifiés par les soupes bio, relookés en profondeur. Une mise à jour cosmétique et sociale. La mécanique de rationalisation est double. Confisquer à la vie quotidienne le temps perdu dans tout ce qui ne serait pas le travail, mais déguiser cet enfermement sous les traits d'un accomplissement personnel. Vivre mieux, bosser mieux. Et plus, sous l'empire d'Internet, des smartphones, des messageries continues, le temps du travail ne s'interrompt jamais vraiment. Prolongé jusqu'à l'intime. Je cite, la liberté vantée chez Google est évidemment factice, dit Jérôme Martin. Si on te conduit, si on te nourrit, c'est pour que tu bosses plus longtemps. 9h à 17h, ça n'existe plus. Pareil pour les vacances. Tu es censé pouvoir en prendre autant que tu veux, mais au final, ça te conduit juste à ne plus en prendre du tout. C'est très retors. Quand tu disposais de 3 semaines, tu les prenais. Non. Cyrus Farivar, écrit pour Ars Technica, une référence des sites d'infos sur les technologies. Pour percer en Silicon Valley, explique-t-il, il vaut mieux être un homme blanc, ayant étudié dans une bonne université et issu d'une bonne famille. En gros, il faut avoir de l'argent. Les entreprises parlent beaucoup de méritocratie, c'est très américain. Mais les types de la Silicon Valley sortent de Stanford, pas des bas-fonds d'Oakland. Donc je vous refais une petite ellipse, machin, tatati, tatatou. On parle pareil un peu de aussi l'addiction, enfin justement comment ils sont tout le temps baignés dans ce truc de technologie et qu'on vante que c'est un peu le confort et le bien-être de l'être humain qui, enfin que ça peut combler ça quoi en fait. Et comment en fait du coup ça prend une place partout dans l'intime de l'humain pour au final un peu laisser un vide, vide ailleurs quoi. Et je recommence sur un autre truc qui s'appelle Le futur commence ici. Donc, à Mountain View, au siège de Google, au milieu d'une allée qui fraye entre des ensembles aux vitres noires, il y a un aileron de requin en métal poli. Il doit faire 3 mètres de haut. Sur sa page. Merde, il doit faire 3 mètres de haut. Point. Sur sa page philosophie, l'esprit de Google est développé en 10 principes fondamentaux. Le sixième est une confidence insolite. Il est possible de gagner de l'argent sans livrer son âme au diable. Waouh. L'entreprise, avec sa devise, Don't be evil, s'amuse régulièrement de sa part d'ombre. Notre politique, sur bien des points, consiste à filtrer avec la limite de l'acceptable sans jamais la franchir, expliquait l'ex-PDG Eric Schmidt en 2010. L'acceptable, voilà la nature de Google. Non pas filtrer avec, mais fixer la limite, en monopoliser la définition. En 98, les cofondateurs traçaient une ligne de démarcation bien-être entre leur jeune algorithme et leurs concurrents. Il faut s'attendre à ce que les moteurs de recherche financés par la publicité fassent preuve de partialité en faveur des annonceurs et au détriment des besoins du consommateur. Ça, c'est une citation pareille de, je sais pas, c'est marqué, vous allez voir. 17 ans plus tard, 90% des revenus de Google proviennent de la publicité. C'est la société la plus rentable du monde. La société la plus rentable du monde a trouvé le produit idéal, celui qui se fabrique chaque jour de lui-même. Nous sommes la marchandise consentante que Google vend sans livrer son âme au diable. Nous ne monétisons pas ce que nous avons créé, atteste Andy Rubin, un ancien haut dirigeant. Nous monétisons les individus qui en font usage. Plus les gens se servent de nos produits, plus nous avons l'occasion de les exposer à la publicité. Yes, merci. Google est déjà le péage du web. Ce que désire désormais le géant californien, c'est construire la route. Je cite encore Eric Schmidt. Je suis convaincu que la majorité des gens n'attendent pas seulement que Google réponde à leurs questions. Ils veulent également qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Donc l'ancien PDG de Google. Hein. Donc tadada, je vous refais une petite ellipse qui parle de The Institute for the Future. Donc un peu pareil dans le prolongement de Stanford, l'université qui est juste à côté, qui théorise ce que doit être le futur de la technologie, du numérique, à quoi ça doit servir et tout. Et... C'est pas n'importe qui est, évidemment, je pense que vous le savez. Ou vous en doutez, ou vous le savez pas. Bref. Alors, je cherche juste ma page et j'y arrive. Donc, ouais, justement, à la fin de ce petit truc où il parle de l'Institute of the Future. Donc, on leur a fait visiter ce truc-là, cet institut qui recherche. Et justement, un des chercheurs, directeur du centre, je sais plus, leur dit que face au... Donc, machin, face au temps qui vient, conclut notre apôtre, il y a ceux qui subissent et il y a ceux qui s'organisent. Inutile de préciser que, dans la langue de demain, ceux qui s'organisent signifient avant tout ceux qui décident. Car bien sûr, le futur commence ici, à la dans la Silicon Valley, professe Sandness. Donc, continuons. Après tant de ta vie sur mon... Mais non, en fait, je crois que je suis une nana. Je regarde où j'en suis sur mon truc. Non, ça va le faire. Je me débat juste dans mes notes. Da, da, da, da, da. Donc, je refais une petite ellipse où, en fait, si on parlait des big data, je vous conseille vraiment d'aller voir cet article. Et en fait, ça donne une vue d'ensemble. La revue, où il, après, il parle d'autres trucs, des technopoles aussi, comment ça s'illustre dans d'autres endroits et tout, machin. Du coup, c'est chouette. Et là, c'est qu'un petit bout. Du coup, c'est quand même une petite immersion, mais qui se complète vachement avec les autres trucs, articles qu'il y a dessus. Et du coup, à la fin, en fait, pareil, ils font tout un blabla en fait autour des big data, ces géants centres en fait, ces géants serveurs qui stockent des tas de données en fait, toutes les données du web sur les utilisateurs aussi en fait, et qui servent en fait aussi derrière à des fins qui permettent en fait de prendre des décisions ou de trouver des solutions par juste l'accumulation de données en masse en fait, par exemple pour les élections et tout. Tout ça. Et donc après aussi, il termine un peu le paysage qui est autour de la Silicon Valley avec les villes environnantes, comment elles se gentrifient, tout ça. Comment leur population a doublé, triplé, mais aussi comment elles ont doublé et triplé en richesse, en fait. Et comment justement les populations qui étaient là avant se font jarter. Et aussi le petit musée, en fait, du numérique, qui est un peu comme l'Institute of the Future, présente un peu cette utopie. D'un numérique partout et justement en fait contrôlé par pas n'importe qui, donc contrôlé par pas n'importe qui et qui donne une utopie un peu biaisée, je pense, de voilà, moi j'ai pas trop envie perso. Et du coup on reprend juste pour la fin une petite conclusion à Palo Alto. Du coup Palo Alto, une des villes périphériques à la Silicon Valley, qui voilà a subi cette expansion de dingue et cette gentrification aussi. Donc à Palo Alto, au moment de partir, une voix nous arrête. Une voix chaleureuse, impossible de ne pas se retourner. C'est une jeune fille avec de longs cheveux noirs et un piercing au nez. Elle sourit. Je vous fais visiter? Elle s'approche en oscillant les épaules, il faut un moment pour s'habituer. Accepter cette fille décapitée. Son corps est machine. Deux grandes barres parallèles en plastique descendent à hauteur de ses épaules jusqu'à un socle à roulettes. Son visage est enfermé dans un écran. Elle nous accompagne dans une sorte de boutique. Où êtes-vous? Donc ça, c'est les écrivains, écrivaines qui lui demandent. Je suis à Fremont, chez moi. Je fais tout depuis mon ordinateur. Le matin, j'ouvre les portes du magasin, j'allume les lumières. Elle rigole, tourne la tête, enfin l'écran, vers les murs où patientent une dizaine de ses semblables. L'une des machines finit par se réveiller. Un homme apparaît avec un bouc et une tête de mort sur son t-shirt, son supérieur. Il roule vers la vendeuse, s'arrête à 20 cm d'elle. Les deux robots se font face, fantômes numériques qui dialoguent. Voilà. Il y a juste un petit poème aussi à la fin qui a été écrit par Richard Brautigan, donc en 1969. Donc justement un peu aussi, il expliquait ça quand je disais l'historique, comment ça s'est construit, un des passages que je vous ai coupé, que vous en êtes allé voir autour de l'université, je pense justement de Stanford, et qui est un peu aussi lié au rêve hippie, au mouvement hippie en fait, de c'est cool, on est déconnecté, on invente un peu, et qui a été récupéré en fait, enfin récupéré ou pas en fait, d'un travail cool, d'un travail épanouissant et émancipateur, en fait, qui est devenu complètement capitaliste et qui a servi toujours plus en fait la productivité. En fait, c'est une vie cool pour les cadres qui sont là-bas où ils font des brainstorming dans les piscines à balles, mais c'est juste en fait, ils sont dans un univers abstrait en fait qui construit en fait l'enfer de d'autres personnes, quoi. Et du coup, un petit poème d'une personne il y a 40 ans. Il me plaît à imaginer, le plus tôt sera le mieux, une prairie cybernétique où mammifères et ordinateurs cohabiteraient harmonieusement dans une programmation mutuelle, comme de l'eau pure dans un ciel pur. Il me plaît à imaginer, tout de suite s'il vous plaît, une forêt cybernétique de pain et d'électronique, où les cerfs gambaderaient parmi les ordinateurs, comme parmi les fleurs au cœur tourbillonnant. Il me plaît à imaginer, il faut qu'elle existe, une écologie cybernétique où nous serons libres de tout travail et retournés à la nature, réunis à nos frères et sœurs mammifères, sous la haute surveillance de machines pleines d'amour et de grâce. Waouh! Voilà, donc c'était un petit truc, poème en conclusion, qui fait un peu peur, ouais, et qui a très bien annoncé en fait la suite et le rêve qui s'est un peu réalisé là-bas. Le rêve, je fais des guillemets avec mes mains, pour certains, ouais, le rêve de certains qui a créé l'enfer d'autres. Et on va vous laisser méditer ou pas avec un peu de musique là-dessus. Et on se retrouve pour vous parler de Google Home. Donc un très bon exemple de ce qu'ils font de nos vies. Bisous. Marie adorable, Monsieur tout le monde quitte chaque matin son domicile sous l'œil bienveillant de ses voisins. Quartier chic et tranquille pour familles épanouies, une vie douce et sans soucis. Mais qui se douterait? Qui se douterait? Il n'a pourtant ni fusil ni couteau. Pourtant, on ne lui reprochera rien. Monsieur ne fait que voguer de présage en présage. Monsieur ne fait que prélever les petits dividendes. Malheureuse ne le concerne pas. D'indice en devise, le trader funambule erre sur le fil des besoins. Un à un, en avare assoiffé, il pille, enflamme, détricote les marchés, sans se soucier le moins du monde, des pays affamés. De traders cocaïnés, bandes sanguinolentes en vitrine, peau du peuple bouché. Monsieur le sait, monsieur s'en fout, c'est comme ça, monsieur tente tout. Ici nous n'inventons pas, nous ne fabriquons pas, nous ne produisons pas, monsieur. En guise d'excuse, on aménage la pauvreté, on repeint les cages d'escalier. On le sait, on s'en fout, c'est comme ça, on tente tout. On le sait, on s'en fout, c'est comme ça, on tente tout. On le sait, on s'en fout, c'est comme ça, on tente tout. Il vend, il achète, il achète, il vend, il vend, il achète, il achète, il vend. Usines à la rue, des charniers de famille, une loterie continue. Et pendant ce temps-là, on laisse les pauvres en pâture à la télé. Roue de la fortune et de la rue, prêt à les humilier, mais au final, ils n'ont rien. Rien que les sifflets et les sirènes obscènes des stars, la bague au doigt. Ils doivent garder espoir, c'est obligatoire. S'ils ne croient plus pour le trader. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Mais qui se doutera qu'il tue? Il vend, il achète, il achète. Il vend, il vend, il achète, il achète. Il vend, mais qui se doutera? Est-ce que t'avais envie de redire deux, trois trucs sur Google? Moi, j'aime pas trop Google. Non, ouais, peut-être très rapidement. Enfin, c'est ça qui est intéressant, on discutait justement là, juste en off, que du coup, même, ça crée en fait une sorte d'utopie, de paradis du travail cool, mais en fait, qui peut jamais être universel pour tout le monde, en fait, que... Voilà, entre le cadre qui est à Google et le cuistot, et ben il y a un énorme écart de privilège en fait, et que aussi du coup la Silicon Valley en fait elle déteint, elle met une emprise, enfin c'est comme des tentacules en fait qui s'emparent de toutes les villes environnantes en fait et qui les dépossèdent en fait de toute leur culture, de tout leur vivant, et comme on expliquait, comme on parlait de à San Francisco ou dans les villes avoisinantes où en fait il y a une énorme gentrification et par exemple avec des cars en fait qui desservent du coup San Francisco et la Silicon Valley, et en fait qui est accessible que aux employés de Google et des autres entreprises de la Silicon Valley en fait, et qui du coup crée une pénurie un peu de en contrepartie des transports publics de la ville. Et aussi justement dans la même revue Z, là il parlait dans l'article d'après de la résistance qui s'organise à Oakland face à ces bus. Du coup Oakland, la ville je crois qui est face à San Francisco dans la baie, ouais c'est bien ça, et qui est un peu plus pop et qui est encore un peu plus accessible, un peu plus protégé de cette gentrification, même si ça arrive, et qui s'organise pour lutter contre ça, et que ça, et voilà, il y a des trucs qui se passent qui sont assez intéressants.